Certains artefacts humains ont d'étranges destinées. Certains morceaux de plastique qu'on croyait dorénavant voués à orner les salons de la normalité reviennent du subespace pour hanter les réseaux et en créer à leur tour. Certaines formes de vie qu'on pensait radiées et supplantées par les technologies de l'immatériel ressurgissent ici et là de sous la poussière. On croyait le feu éteint et remplacé par les écrans. Mais le chuchotement des flammes s'est réveillé sous la pression du bouton lecture. The eyes of the world now look into space, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom. We choose to go to the We choose to go to the in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Bonsoir, vous êtes sur Cosmic Cassette. Nous sommes à Pau, il pleut, et nous sommes en compagnie de Gilles Vigne du label L'Ombre du Joyeux Délire. CQ, CQ, this is W9GFO. Is anybody out there? Cosmic Cassette, Cosmic Cassette. Clear the track, here I go. Bonjour Gilles. Salut Yann. Je vois que t'as amené un milliard de cassettes. Trois camions. Trois camions de cassettes, voilà, garés à Place Verdun. Est-ce qu'il y a une ligne directrice dans tout ça, ou c'est plutôt assez éclectique? Est-ce qu'il y a une année ou plusieurs années, enfin est-ce que ça couvre une décennie en particulier ou... Non. Non, là, c'est... généralement, c'est des trucs que j'aime bien, quand même. Oui. Mais il me semble que t'as quand même des cassettes qui remontent aux années 80, d'autres trucs qui sont sortis cette année, ou oui, en 2015. Voilà, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, et puis des trucs qui sont faits très loin, ou des choses assez locales, et voilà. Un peu mélanger. Bah écoute, super. Bah je te laisse les manettes, alors. D'accord, et bien je vais commencer avec un morceau de 60 étages, sur la cassette éponyme sortie en 86. Qui s'appelle Allez Go! Michael Barcel, une cassette qui est sortie sur Fluxus Montana l'an dernier. Et c'est plutôt du travail aux quatre pistes. Voilà. Fluxus Montana, c'est un label des États-Unis, c'est ça? Ouais, dans le Montana. Oui. C'est le gars qui fait PCRV qui fait ce label. D'accord, je crois. Voilà. On va mettre un bout de PCRV plus loin. Ok. Bon, c'est parti pour Michael Barcel. Yo. But Thank you. Thank you. Bon, voilà. Mais après Michael Barcel, j'ai enchaîné avec Christophe Iman. Ça, c'était le morceau un peu dansant, ouais, ouais. C'est ça. Mighty D, Joe Young, Part 7. Et... Ça vient d'où, ça? C'est sur quel label? Tu sais pas? Non, d'où ça vient? Dans BW 08, je sais pas. C'est peut-être un truc à lui, je connais pas bien. D'accord. C'est... Tu sais pas d'où vient... Michael Iman, je connais depuis longtemps, hein. Il a travaillé... Et je l'ai trouvé à Paris, à la Bimbo Tower, cette cassette. Elle est super. Ok. Et après, j'ai enchaîné avec un morceau de Blood Stereo, voilà. C'était Water Is, Fire Is Not. C'était un live, enfin, c'était un extrait juste. Et... C'était un live? Ah ouais, le morceau, oui. Ils enregistrent le recording, là? Ouais, ils enregistrent dans leur table de mixage, avec des cassettes, des choses préenregistrées, ouais, des objets qu'ils ont sur scène aussi. C'est un couple, Blood Stereo, c'est Dylan Newkiss, qui a pas mal de travail en solo, et Karim Constance, qui fait ça avec lui, qui fait surtout les collages et tout ça. Ok. Ils sont en Angleterre, je crois. Oui, je suis sûr, même. Et je vais enchaîner avec AMK, qui, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est super. Et c'est sorti sur le label Quadra Curious Sounds, qui est le label du gars qui fait Zebra Mu, Michael Rich, voilà. Ok. J'en vois. Thank you. Voilà, j'ai enchaîné AMK avec Moevo, qui est un truc de milieu des années 90. C'est un gars qui joue dans les groupes de black metal, Belketre, Lattex, tout ça, là. Donc Les pochette, Légions Noires et tout fait très ça. black metal, ouais. Oui, c'est ça, mais sauf que c'est avec les Musicalement. synthés, les voix, il y a pas mal de violoncelle dans ces trucs. C'est assez doux. Mais... Et Oui, ça a on l'air assez doux, a une ambiance très saine tout le temps, alors, normal. Et je vais enchaîner avec Twerka Mechanica. ça, c'est du local. Mécanique, oui, c'est la musique en Manix. Voilà, c'était un extrait du morceau Really Into The Haters. C'est peut-être un hommage au groupe The Haters, mais en vrai j'en sais rien, mais je connais quand même. Et c'est la cassette French Record de Sissy Spacek. Voilà. Et je vais enchaîner avec L'éponge synthétique, sorti sur Illusion Productions en 85. C'est l'équipe ADDA, tout ça. Voilà. Super cassette aussi. Grogne monte. Voilà, ça c'était Ignite Night. Voilà, je sais pas si je prononce très bien, mais c'est apparu sur une compile Interaction, une compile de Nuit et Brouillard, label sur l'île, tout ça, début 90, je crois, ou fin années 80. Je sais pas si une date par là. Bon, et on va enchaîner avec un petit morceau de Jean-Louis Coste, voilà, une de ses premières cassettes, L'art c'est la guerre, la cassette, et le morceau Sacrifice blanc. Petit morceau, on apprécie les bidouillages musicaux de Coste en 87. Et je vais enchaîner ça avec un truc italien qui s'appelle la 1919 Spontaneo. Alors, je sais pas comment on dit 1919 en italien. Moi non plus. D'accord, bah c'est parti. Alors. Yeah. Olé. Voilà, c'était la 1919 Spontaneo, je sais pas comment on dit 1919 intérieur, enregistré en 1985, et après Coast 87, Spontaneo 85, on va faire Merzbow 84, voilà. Ok. Avec le petit morceau qui s'appelle Kundalini. On remonte le temps, on l'a cassé. Thank you. early morning in the universe. The life is getting up, open up the windows. In this loft that's in the Bowery in Lower East Side, New York. She's a painter and her husband's a railroad brakeman. And he's coming home in a couple of hours, about 5 hours, from a local. Of course, the room's in a mess. There's her husband's coat on the chair. Been there for 3 days. Neckties and his tortured socks. Just to get the kid up to go to school. Pablo. He says, why do I have to eat that stuff all over again, that farina? I ain't gonna say that I'm gonna live 100 years, but I've been eating farina for about 100 years. She says, button your fly and go out and answer the door. Bring the Corso and Ellen Ginsberg there. Playing the beer cans out on the table, bringing up all the wine, wearing hoods and parkas, falling on the couch, all bursting with poetry while she's saying, now you get your coat, get your little hat, and we're going to go off to school. The health to you this morning, Mr. Hart Crane, an old bridge. See, look at all those cars out there. There's nothing out there but a million screaming 90-year-old men being run over by gasoline trucks. So throw the match on it. No, that's all right. Gotta go to school, learn all about the geography and astronomology and hippleology and ornithologies and poetology and food biology. You say, I don't know what's going on. They're sitting there talking about Empire State Building and dunes and bridges, and they wave up. Voilà, ben alors j'ai enchaîné Merzbeau avec un enregistrement de Jack Kerouac qui raconte ses histoires. Et voilà, comme vous pouvez voir, il environne pas mal avec des sons. Donc je sais pas quand ça a été enregistré, ça va, je pense que c'est un pirate que j'ai, il y a aucune. Ouais, sans doute, oui. Et voilà, il n'y a pas assis un petit texte. On va décortiquer ça. Par exemple. Bon, il n'y a pas de mention de quand on enregistre. Document un peu bon. Rare et pirate. On verra. Bon. J'enchaînais avec Thomas Tello, qui est quelqu'un d'Amérique du Sud, je ne sais plus de quel pays il vient, qui vit au Luxembourg, là, qui voyage pas mal pour faire sa musique. Là, je suis en contact avec lui en ce moment, on s'échange pas mal de cassettes et il a l'air très gentil. Et bon, mais voilà, c'est parti. Thank you. C'est un extrait vraiment court, hein. La musique à Thomas est très variée et il est assez prolifique, hein, franchement, comme monsieur. Mais là, il manque de temps, hein. Il reste 10 minutes, genre un peu plus, donc on va aller vite, je pense. Donc, là, on va mettre du Roropéro, hein, des morceaux très très courts, hein, donc peut-être qu'on va mettre deux ou trois d'affilée. C'est parti. Il veut y aller aussi. Hein. Ah ouais. Allô, Roro ? Ferme la clé maintenant ! T'as un autre ? Absolument. Très bien, un autre. C'est long celui-là. Alors, un petit morceau PCRV, qui est donc la personne qui fait le label Flixis Montana, qu'on a parlé plus tôt. Ah oui, oui. Et ça, c'est une cassette, c'est une C1, une cassette de 1 minute, donc 30 secondes par face. Donc on va s'écouter une face entière, s'il vous plaît. C'est parti. Et voilà. Et bien là, on va s'écouter un petit morceau de Yann Saboya. Voilà. T'es parti aussi. Voilà. Voilà, c'est Philippe Simon qui s'est endormi devant la télé, enregistré par Grégory Henrion, qui en a fait une cassette sur son label Anarcho Freaks Production. À son insu. À son insu, évidemment. Et juste avant, c'était une cassette de Yannick Dobby, sortie aussi sur Anarcho Freaks Production, enchaînée donc avec Le Voodoo Milak. Et Yannick Dobby, il y a une drôle d'histoire par rapport à l'édition de ces cassettes, c'est que Yannick voulait s'adresser au label Angstrom, qui est un label allemand. Et Grégory, lui, il a un nouveau projet qui s'appelle Angstrom, un truc de Arch Noise Wall. Et donc il s'est adressé à Grégory, par erreur. Okay. Et à l'arrivée, il naît cette cassette, donc sortie par Grégory, alors que Yannick s'adressait... pas là où il croyait bon. Je sais pas s'il a sorti un truc sur le label Angstrom, Yannick, mais en tout cas, il y a cette cassette. Très bien. Voilà. Et ben écoute, c'est une anecdote, ma foi, très sympathique pour finir l'émission. Ben Gilles, on se dit bye bye, à bientôt. Et ben ouais, merci beaucoup, Yann. Voilà, de rien. Merci à toi d'être venu chez moi, à Pau. Allez, bye bye, on se quitte avec le jingle. Pour cette première de la tournée cosmique. Je t'enlève aussi, moi, alors. Ciao Simon, bon dodo. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Kawani Kasid. Siani bingalela makawe, snipisela ingonzo ende. Rolls complete and the pitch is programming.